Tu t'évanouis sans tarder quand QSM susurre. Quand QSM sent des pieds, c'est la faute des chaussures. QSM est un roquet qui se prend pour un fauve. QSM est un pou sur la tête d'un chauve. Encore une heure. Mais passé minuit, il dort sur la cuvette. QSM est un punk qui n'aurait pas grandi, élevé au son de Rammstein et Danny Corby. Encore une heure, encore une heure. QSM gère, QSM gère. QSM détremble. QSM est debout en grand chef de gang. L'anaconda s'émeut, l'anaconda vocifère. Moins méchant qu'un émeu, mais plus mauvais que ta mère. Encore une heure. Une loutre, j'aurais pas vu la mer. Un résidu de foutre avec un goût amer. Un gauche mal élevé qui fait pleurer sa mère. Dont la finalité est d'être un pur gangster.